l'autre bout du monde, le soleil s'est levé. Arrête de creuser ta tombe, assieds-toi à mes côtés. Petit bout du monde, ta vie vient de commencer. Chasser des idées sombres, oublie tes contes de fées. Tu te croyais fort, un chevalier invincible. Et tu avais tort sous ton armure invisible. Tu bravais les dragons, sorcières et démons. Et partais faire la guerre à ton imagination. Réveille-toi et ferme ce livre. Tu es grand, il te faut apprendre à lire. Réveille-toi, les livres d'images, c'est pour les enfants, ce n'est plus de ton âge. Réveille-toi, réveille-toi. Ces grenouilles et belles au bois dormant, des baisers volés, nos soirs tombant. Elle t'a monté la vie, tu te laissais te faire. Tu t'as monté la vie, un peu comme dans un rêve. Réveille-toi et ferme de ce livre. Tu es grand, il te faut. Les livres d'images, c'est pour les enfants, ce n'est plus de ton âge. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Petit bout du monde, le soleil s'est couché. Et la nuit qui tombe te laisse seul embrouillé. Regarde le ciel, regarde les étoiles. Regarde la tienne, même si ça fait un peu mal. Réveille-toi et ferme ce livre. Tu es grand, il te faut apprendre à lire. Réveille-toi, les livres d'images.